sur le web. Vous êtes à CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission spéciale du temps des fêtes en route pour Noël. Je suis Tania Baudin et je vous accompagne pour les prochaines 60 minutes en ondes sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Vous l'aurez deviné, c'est l'émission spéciale pour le temps des fêtes. On est déjà rendu à la troisième émission, première édition par contre pour l'année 2016. Et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous encore cet après-midi pour cette émission-là parce qu'on est vraiment à quelques jours présentement de la grande journée qui est Noël ou encore le temps des fêtes. Il y a plusieurs étudiants déjà qui sont en vacances, on le sait. La chasse-galerie est fermée, malheureusement. On n'a plus de caféine pour survivre à la station, mais quand même, on a de la bonne musique et on a toujours la cafétéria qui nous fournit en café. Alors, merci beaucoup. Mais je suis très contente de me retrouver en onde encore une fois cette semaine avec vous. En temps normal, c'est la plage horaire d'En Piste avec Tania Baudin, mais comme c'est le temps des fêtes, comme le temps est pas mal plus froid un petit peu partout dans le monde, eh bien, il y a beaucoup moins de courses. Alors, c'est pourquoi cette émission spéciale du temps des fêtes a pris place dans la plage horaire de CIFOU. Et j'ai comme le goût, en fait, de pas courir plus loin pour les introductions de l'émission, parce qu'on a quand même une bonne émission chargée pour les 60 prochaines minutes. À la suite de notre émission, c'est le spécial de Noël du Mathieu Plante Show. Alors, il faut surtout pas manquer ça. On va commencer tout de suite avec du indie, du folk. Cette semaine, en fait, on va retrouver un petit peu de tout dans l'émission. On va avoir des grands classiques de Noël. On va aussi avoir de la musique country, de la musique francophone. Mais comme je disais, on va commencer tout ça avec de la bonne musique. Oui, disons-le, folk, indie aussi. Vous allez peut-être découvrir quelques pièces, mais on commence tout ça avec Joy to the World de Seabird. Repeat the sounding joy.

C'était « I want you for Christmas » de The Cheap Trick. C'est une pièce qu'on a fait jouer ce matin dans l'émission « Assemblage requis » parce que c'était notre dernière de la saison régulière. Alors, on a décidé de faire jouer beaucoup de musique de Noël puisque demain, dans notre spécial Noël, on n'aura vraiment pas le temps de faire jouer de la musique. Alors, on s'en est donné un petit peu à cœur joie ce matin. Avant ça, on a entendu « Run Sexsmith » avec la pièce « Maybe This Christmas ». C'est une pièce que vous avez peut-être déjà entendue à la télévision parce qu'elle a joué dans la « réputée », disons ça, entre guillemets. Série télévisée d'IA aussi dans le temps et comme si vous êtes des habitués de la série d'IA aussi, eh bien Seth, c'était une des pièces qu'il faisait jouer lorsque c'était le temps de Noël dans la série. Alors c'est une pièce qui a été trouvée là. Et il y a aussi avant ça Joy to the World de Seaboard. De Seaboard, c'est un band que j'ai découvert cette semaine en écoutant bien évidemment de la musique de Noël pour faire la recherche de cette émission. C'est un band de Kentucky aux États-Unis. On fait de la musique depuis 2004, oui, mais on n'a pas sorti de nouveaux disques depuis quand même 2013. Alors, leur dernier album était Troubled Days. On lance quand même une couple de EP, des singles comme ça sur Internet un petit peu. Mais par contre, pour ce qui est des albums, on n'en a pas encore reçu d'autres. C'est un petit peu triste parce que je dois avouer que j'aime beaucoup. On parle surtout de rock, pop rock, alternative rock, indie rock aussi, et on peut le ressentir. Mais lorsqu'on parle de musique de Noël, j'ai trouvé cette pièce-là tellement originale. T'sais, pourtant, c'est une pièce qu'on a déjà entendue plusieurs fois, mais l'ajustement musical qu'on a fait autour de cette adaptation-là m'a beaucoup intéressée et c'est pourquoi j'ai décidé de vous la présenter cet après-midi. Bien évidemment, une émission de Noël, ça veut aussi dire des classiques de Noël, ça veut aussi dire des tunes que tout le monde connaît dans le temps des fêtes, mais bien évidemment, il y en a d'autres qui sont nouvelles. Entre autres, une que je vous ai déjà fait jouer dans le premier épisode de l'émission En route pour Noël, c'était celle de Maryse Letarte, une artiste québécoise qui on a fait jouer en fait Au traîneau dans le ciel. Et c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai tout simplement décidé de vous la réoffrir aujourd'hui pour vous dans le bloc francophone. On s'en va écouter ça. Sur des sapins à l'envers, l'eau calme de la rivière reflète une guirlande de conifères. Ton grand cœur se resserre sous des airs méchants. Je me change en pierre et en guirlande de sentiments. J'ai dit des mots que je ne pense pas du tout. Qu'est-ce que Noël a fait debout? Oh, traîneau dans le ciel. N'oublie pas l'essentiel. Oh, oh, oh, traîneau dans le ciel. Plein d'amour à Noël. Noël a fait de nous. Il nous a tous mis à genoux. Et moi je cherche enfin à tuer le silence, à combler ton absence. Je suis si triste en pensant que Noël revient, et moi je pleurerai en regardant le verre sapin. Pour la première fois Noël sera gris et je reste seule avec mes pensées. Je vois les enfants s'amuser et moi je voudrais bien revivre mon enfance, avoir toujours confiance. J'avais rêvé de blanc Noël à tes côtés. Je serai seule devant le sapin tout illuminé. Car loin de toi mon amour, mon Noël devient si lourd. La première fois, Noël sera gris. Vous l'aurez reconnu, probablement. C'était Cœur de pirate, mais je trouvais que c'était une pièce qui allait très bien avec la chronique que j'ai faite ce matin dans l'émission Assemblage requis. Si vous avez été de ceux qui ne pouvaient être en ondes ce matin pour l'écoute de cette chronique-là, eh bien, j'ai tout simplement parlé que le temps des fêtes, on en voit souvent le côté rose, le côté rouge et vert, bien évidemment, le côté tout illuminé, mais pour certains, le temps des fêtes, c'est aussi un temps où c'est beaucoup plus dur, que ce soit en période de deuil, que ce soit en période d'aide. Alors, je trouvais que cette pièce-là venait quand même coller à la peau de la chronique que j'ai faite ce matin. Et je voulais vous rappeler aussi que dans le temps des fêtes, c'est pas mal le temps où on fait appel à notre générosité pour justement ce genre d'organisme, ce genre de fondation-là. Et en Mauricie, on en a plusieurs, que ce soit Centraide, que ce soit le Centre Le Havre ou encore les Artisans de la Paix de la Mauricie. Alors, je vous invite bien évidemment à prendre conscience que c'est pas toujours rose pour tout le monde. Et d'être vigilant aussi aux gens qui nous entourent durant le temps des fêtes, parce qu'on peut ne pas tout le temps s'en rendre compte. Mais c'était une très belle pièce, oui, de Cœur de pirate, qui s'intitule Pour la première fois, Noël sera gris. Et avant ça, on a entendu Maryse Le Tartre avec une pièce qui s'appelle Au traîneau dans le ciel. Une pièce, comme je vous le disais, qu'on avait déjà entendue un petit peu plus tôt en début de saison, quand on a commencé ce fameux spécial des fêtes-là. Mais pour le bloc francophone, je me suis comme donné... je me suis fait plaisir, en fait, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film du temps des fêtes qu'à chaque année, je n'ai pas le choix d'écouter avant qu'on arrive au 24 décembre ou encore au 25 décembre. C'est bien évidemment La guerre des tuques. Et s'il y a une pièce en particulier que j'aime plus que tout dans ce film-là, c'est L'amour a pris son temps. Et je trouvais que ça pourrait justement bien s'offrir en cadeau à mes auditeurs. Alors voici L'amour a pris son temps de Nathalie Simard. Ça irait tellement mieux si c'était la bonne qui partait. On va aller écouter ça immédiatement. L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Thank you. L'amour a pris son temps, Nathalie Simard. Une pièce qui est tirée, bien évidemment, vous l'aurez deviné, du film La guerre des tuques. C'était un cadeau de moi à moi pour les fêtes, je dois l'avouer. C'est une pièce que j'adore, en fait. C'est un film que j'adore. Je trouve tellement que ça met dedans. Puis, je le disais justement, c'était un cadeau de moi à moi, mais j'ai eu une demande spéciale, en fait. J'ai reçu une demande de Karina Tardif qui m'a demandé de justement faire jouer la pièce spéciale Noël des Sœurs Boulay. Et bien évidemment, les Sœurs Boulay, on les aime beaucoup. On les fait souvent jouer ici à la station à C'est fou. Alors, j'ai décidé de vous offrir et surtout d'offrir à Karina, toute seule à la maison, qui est la chanson de Noël. Toujours à Noël, tout ça fait semblant de sourire. Pendant que ça pense au petit vieux qui ont éteint la dernière chandelle. Pendant que ça peine à laisser partir ceux qui ont brûlé le dernier vœu. Tout le monde veut la fleur éternelle. Toujours sur les ondes de C'est fou 89.1 FM dans le spécial En route pour Noël, ou du moins En route pour le temps des fêtes. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas nécessairement super bien nommé cette émission-là, puisque vous allez être capable de l'écouter un petit peu tout le temps, en fait, durant le temps des fêtes. C'est fort possible. Il suffit de suivre la même plage horaire que cette émission-ci, mais durant le temps des fêtes. Donc, on va jouer bien évidemment le mercredi après-midi. On va aussi être là le samedi 24 décembre. 24 décembre et dimanche 25 décembre pour de la musique de Noël. Et ce sont les plages horaires en temps habituel de l'émission et pour les rediffusions. Alors, si jamais vous avez manqué soit les premiers ou deuxièmes épisodes même, eh bien, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir réécouter, bien évidemment, dans le confort de votre maison avec votre pyjama sur le dos. Peut-être un petit chocolat chaud, une peau d'ours. Non, OK, c'est pour ce correct. on est encore ensemble pour... encore un bon bout de temps. Et on a déjà passé au travers des deux blocs musicaux que je voulais vous faire entendre, c'est-à-dire indie et folk, mais aussi francophone. Je pense que c'est assez important de diversifier le style musical dans le temps des fêtes, parce que, bien évidemment, tout le monde aime le temps des fêtes, à part mon co-animateur Mathieu Plante, qui est plutôt Grinch. Mais ça, c'est quelque chose d'autre. On en rediscutera. Mais il reste beaucoup de choses à écouter, évidemment, et je veux vous faire passer au travers de certains blocs, c'est-à-dire probablement mes préférés, c'est-à-dire classique et aussi country. Et on va y aller de ce pas avec un classique, évidemment, du temps des fêtes. J'ai nommé Ave Maria, mais chanté par Luciano Pavarotti. Oh. Christmas. You can plan on me. Please have snow and Be Home for Christmas de Tony Desser. Qui est Tony Desser? En fait, c'est un artiste jazz. On l'entend plus souvent dans des cabarets jazz ou encore chanter avec des orchestres symphoniques, surtout l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, l'Orchestre symphonique de Seattle. On parle aussi du Music Festival d'Arizona, le Smith Center à Las Vegas. Et bien évidemment, comme je pense que c'est la tendance avec plusieurs artistes, eh bien en 2016, si jamais vous voulez entendre ces nouvelles pièces ou encore ces nouveaux morceaux, eh bien la façon la plus simple, c'est d'aller sur YouTube parce qu'il poste beaucoup, beaucoup de vidéos et de ses nouveaux singles justement sur Internet pour que les gens puissent lui donner ses impressions. Et j'ai adoré cette version-là de I'll Be Home for Christmas. C'était un court bloc classique, bien évidemment, vous l'aurez deviné. Avant ça, on a entendu Luciano Pavarotti avec la pièce Ave Maria. Quand on parle de classique des fêtes, de classique de Noël, moi, c'est vers ces deux-là que je m'en vais du côté anglophone. Mais sinon, il y a d'autres classiques aussi, bien évidemment. J'adore la musique country, ça, vous le savez. C'est le style musical qui joue en temps normal dans l'émission, en piste avec Tania Baudin. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller avec quelques pièces musicales country pour terminer cette émission-là. Eh bien, on va y aller avec Where Are You Christmas, une pièce qu'on peut entendre chantée par cette même artiste dans le film Dr. Zeus, The Grinch, qui a été fait par Jim Carrey. Alors on va aller écouter Faith Hill avec Where Are You Christmas.

And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Have a Merry Christmas now to you. Christmas to you. The Christmas Song de Beth Eldredge, et avant ça, on a entendu Where Are You Christmas de Faith Hill. C'est deux pièces que j'aime beaucoup du temps des fêtes, deux artistes que j'aime surtout, mais c'est déjà la fin de l'émission, la dernière émission spéciale avant les fêtes. On va se laisser sur une pièce qui est très très belle durant le temps des fêtes, bien évidemment, vous l'aurez deviné, mais c'est une pièce qui souligne en fait la joie des enfants dans le temps des fêtes. Ça s'appelle Thank God for Kids et c'est de Kenny Chesney. Et surtout, restez en onde parce que après ça, c'est le Mathieu Plante Show du temps des fêtes. If it weren't for kids, have you ever thought there wouldn't be no Santa Claus? Or look what the storm just brought. Thank God for kids. We'd all live in a quiet house without Big Bird or Mickey Mouse and Kool-Aid on the couch. Thank God for kids. Thank God for kids. There's magic for a while, a special kind of sunshine and a smile. Do you ever stop to think or wonder why the nearest thing to heaven is a child? Daddy, how does this thing fly? And 100 other where's and why's you really don't know, but you try. Thank God for kids. When you look down in those trusting eyes that look to you, you realize there's love that you can't buy. Thank God for kids. Thank God for kids. There's magic for a while, a special kind. nearest thing to heaven is a child. When you get down on your knees tonight to thank the Lord for his guiding light and pray they turn out right, thank God for kids.